comment la boîte à ordures est devenue la poubelle. Le 24 novembre 1883 fut promulgué le premier arrêté pris à Paris pour que les propriétaires d'immeubles mettent à la disposition de leurs locataires des récipients communs munis d'un couvercle pour contenir les déchets ménagers. La dimension et même la contenance de ces récipients furent alors strictement contrôlés. L'arrêté imposait également le tri des déchets en prévoyant l'installation de ce qu'on appelait alors des boîtes à ordures, une pour les matières putrescibles, une autre pour les papiers et les chiffons et une troisième pour le verre, la faïence et les coquilles d'huîtres. Ces mesures d'hygiène étaient devenues indispensables dans une ville qui avoisinait les 2 millions d'habitants et qui comptait un grand nombre d'immeubles collectifs. Pourtant, ce décret provoqua un véritable tollé. Les propriétaires, qui refusaient de payer ces charges nouvelles, mirent en avant les conséquences néfastes de cette mesure pour les milliers de chiffonniers chargés, à cette époque, du ramassage des ordures. Les bourgeois de Paris furent soudain remplis de compassion pour les pauvres hommes qui devraient désormais passer de longues heures à trier les déchets exposés au froid, au chaud, à la neige et à la pluie. La grande presse relaya la fronde en désignant le coupable de cette terrible injustice. Il s'appelait Eugène Poubelle, préfet de la Seine de 1883 à 1896. Chargé de l'administration courante de la ville de Paris, à une époque où la fonction de maire avait été abolie dans cette ville, c'est lui qui avait pris le décret du 24 novembre 1883. Il joua aussi un rôle décisif pour la mise en route du tout à l'égout et, dans un tout autre domaine, il fit adopter un arrêté qui mit fin à l'interdiction des femmes d'exercer la médecine et la chirurgie en France. Ces innovations lui valurent l'animosité persistante des conservateurs. Le 16 janvier 1884, Georges Grison, un éminent journaliste du Figaro, s'attaqua au préfet Poubelle en mettant en cause ses origines provinciales. Parisien tout nouveau, peu fait aux mœurs de notre capitale, il aura eu, un soir, en sortant du théâtre, le nerf olfactif offensé par les émanations des tas d'ordures jetés dans la rue. « Supprimons l'ordure et le chiffonnier !» ajouta Grison en faisant parler le préfet. « Mon nom passera à la postérité, entouré des bénédictions universelles !» Après avoir dénoncé ce qu'il attribuait aux ambitions personnelles d'un haut fonctionnaire carriériste, il termina son article en prédisant un sombre avenir pour le préfet de Paris. Les familles de chiffonniers pleurent et les enfants crient la faim. Voilà pourquoi je crois qu'on ne rira pas des boîtes poubelles. Ce genre d'article joua un rôle essentiel dans la diffusion du mot « poubelle » pour désigner ce qu'on appelait jusque-là les boîtes à ordures. La violence de cette campagne de presse contraignit le préfet de Paris à faire partiellement machine arrière, puisqu'un nouvel arrêté, adopté le 7 mars 1884, supprima la mesure sur le tri sélectif. Il faudra attendre les années 50 pour que l'usage des poubelles s'impose dans la vie quotidienne des Français et pour que l'enlèvement des ordures soit organisé avec régularité par les municipalités.